Alors bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission de Ça roule Radio. Mon nom est Luc Desormeaux et je serai, encore une fois, un des deux animateurs de ce beau programme sur l'automobile. L'autre est mon ami et collègue, et plutôt loin cette semaine, Marc Bouchard. Salut Marc. Salut mon cher. Ça va bien? Ouais, ça va. Ça va un petit peu me mélanger avec les heures, mais bon, je vais m'en remettre là. Ouais, c'est ça, on est à 3 heures de différence. Hein? Ça commence exactement. À faire loin. Je suis encore dans la vallée de l'Okanagan, dans la région de Vernon, en Colombie-Britannique. Alors oui, on a effectivement 3 heures de différence et je t'avoue que c'est surtout 3 heures de sommeil le matin qui me manque dans ce temps-là. Là. Ouais, surtout quand moi, il est comme 8 heures ici, puis je te vois déjà sur Internet en train de te promener sur Facebook et tout ça. Ça fait de bonheur. Je te l'ai dit, matin, va te coucher. Puis, ben, t'avais des choses à faire parce que même si t'es là-bas, il y a du monde ici qui s'attendent à ce que t'ailles faire des chroniques radio et tout ça. Donc, un homme occupé, que tu veux, quand t'es une vedette, t'es une vedette. Ah, si, bol. C'est ça qui arrive. On pourra, en tout cas, on en reparlera une autre fois. C'est bon. Donc, mon cher Marc, t'es pas là-bas pour rien. T'es là pour essayer le nouveau Mazda CX-9 2016, 2017. Ça, c'est la première surprise. Okay. Parce que à la date où on est, je me serais vraiment attendu à ce qu'ils mettent ça pour 2017. Ouais, moi aussi. Comme la plupart des gens le font. Ouais, même il y en a qui gênent pas mettre ça 2018 déjà, fait que 2017, voilà, ça aurait été correct. On va se calmer le pompon sur le 2018, mais non, mais tu sais, on s'attendait vraiment à 2017. Or, ça n'a pas été le cas. C'est un 2016, mais c'est un véhicule qui a été complètement refait. Vraiment, n'a plus rien de commun avec l'ancienne version. Le design a complètement été modifié. C'est la philosophie de design Kodo, mm-hmm, ouais. C'est-à-dire la même chose qui se retrouve là, dans toutes les nouvelles générations de Mazda. Ouais, la 6, la 3, là, tout ça. Là. La 6, la 3, la MX-5, ouais. Tout ça. Le CX-9, c'était le seul véhicule de Mazda qui n'avait pas été refait. Bon, à part le Mazda 5, mais le Mazda 5, bon, il est mort et enterré. Là. Fait que c'était le dernier non, véhicule. Il est pas mort. Non, mais je pense pas qu'il va y avoir une prochaine génération. En tout cas, ce que j'avais entendu, c'est que c'était pas mal fini. Mais ils vendent encore le modèle, mais c'est ça que je veux dire. Chez nous, mais pas aux États-Unis. Ouais, c'est ça. Puis il n'a pas changé depuis un bout de temps. Là. Effectivement. Fait que tout ça pour dire finalement que c'est un véhicule qui a été complètement, complètement remanié et qui est, je dois l'avouer, beaucoup plus charmant qu'il ne l'est. Okay. On a vraiment fait des efforts assez spectaculaires en termes de design. Vraiment un souci du détail. Il faut dire, là, on va établir la chose tout de suite. Le CX-9, c'est le gros multisegment de la famille. Ouais. Trois rangées, 7 passagers. Bon, on a vraiment voulu lui donner la petite coche de véhicule de luxe. Okay. Et on nous a parlé toute la journée de premium. Là. C'est vraiment, on a voulu jouer cette carte-là avec le CX-9. Et ma foi, on a assez bien réussi, je dois le dire. Par exemple, comme je l'ai dit dans le design, on a vraiment mis un souci du détail dans des... La grille, par exemple, en avant, la façon dont on a contourné, la façon dont on a placé les pièces de chrome, c'est vraiment raffiné, c'est bien fait, c'est bien pensé. C'est vraiment assez impressionnant par rapport à ce que c'était. Mm-hmm. Évidemment, on se retrouve avec le traditionnel grille Mazda, avec ce qu'ils appellent l'éclairage signature de Mazda, là, les espèces de lumières d'ailes en demi-cercle. C'est très joli, c'est très beau. À l'arrière, on a aussi modifié considérablement la partie arrière. Et là aussi, on a utilisé des morceaux de chrome qui font la largeur complète du véhicule. Mais la façon dont les morceaux sont faits, tu sais, c'est pas un morceau plat qu'on a juste mis là. On a vraiment mis du relief à l'intérieur. Ça donne vraiment une qualité de finition qui est hors du commun pour un véhicule de cette nature-là. OK, c'est bon. Dans l'habitacle, ben écoute, oui, la console centrale n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était auparavant. C'est vraiment une console centrale qui a été complètement refaite, beaucoup plus agréable, beaucoup plus moderne, qui a des matériaux beaucoup mieux pensés. On a conservé le petit écran en haut de la planche de bord, là. OK, le même que sur le Mazda 3, des choses comme ça, là, le même système? Exactement le même système. Okay. Donc, on a là, c'est le Mazda Connect, là, donc toute la façon de gérer les systèmes multimédia et tout. Et devant nous, ben, on a des cadrans qui ont été redessinés, à l'intérieur desquels il y a un affichage que tu peux faire varier, là, comme c'est souvent le cas. Là, c'est une espèce d'ordinateur de bord qui te permet de faire ça. Mm-hmm. Dans les nouveautés aussi qu'il faut préciser, c'est les options, je dirais, plus haut de gamme du véhicule. Par exemple, on a maintenant un affichage tête haute. Tu vas me dire, oui, mais on l'a dans la Mazda 3. Mm-hmm. C'est vrai, mais ce qu'on a dans la Mazda 3, c'est un espèce de petit morceau de plastique Ouais. qui est là. Et bon, dans ce cas-ci, on parle vraiment d'un affichage tête haute qui s'affiche dans le pare-brise, qui est OK. vraiment à l'image en fait de ce qu'on retrouve ailleurs, un affichage en couleur en plus. Bref, ça aussi, ça paraît super bien. Et on a fait des versions, une version entre autres, qui s'appelle maintenant la version signature. Parce que tu sais, chez Mazda, tu as toujours la version, bon, tu as le GS qui est la base, tu as le GX, tu as le GT qui est normalement le plus haut de gamme, Ouais. mais là, on a ajouté une version signature. Qui est plus haut que le GT, là, qui est vraiment la Qui est version ultime, là. version ultime avec des boiseries. Quand c'est des boiseries, par exemple, c'est du vrai bois. Dans certains cas, c'est même du bois de rose. On a vraiment complètement changé toute la qualité de finition, les cuirs qu'il y a là. Donc, c'est vraiment, je te dis, on mise vraiment sur une clientèle qui est plus haut de gamme pour cette version-là. OK. Tu as des versions quand même plus de base, ce qui est normal aussi, qui sont quand même bien équipées, là. Faut pas se leurrer, là. On arrive avec quand même un équipement qui est tout à fait compétitif avec ce qui se passe dans le marché et on est capable d'ajouter des options. Bon, qu'on le prenne, il y a une seule version, la version GS, qui est disponible avec une traction avant. OK, ouais. Elle est aussi disponible en traction intégrale et toutes les autres versions sont offertes exclusivement avec une traction intégrale. OK. Donc, tu sais, ça fait vraiment un véhicule qui est bien fait, qui est bien pensé, qui est bien équipé. Et bon, tu sais, la traction intégrale, par exemple, ben, on a évidemment un système intelligent qui n'est pas réactif, mais qui prévoit les coûts. Donc, en utilisant les capteurs embarqués à bord de l'auto, on est capable de prévoir à quel moment les roues vont déraper, par exemple, et transférer la puissance aux bonnes roues au bon moment. OK. Comment on fait ça? Ben, on va le faire, par exemple, on va aussi loin que d'utiliser la température extérieure. Donc, Ouais. on sait que s'il fait 3 degrés ou moins, il y a des chances qu'il y ait du dérapage plus prononcé. Ben oui, la On va voiture nous utiliser. avertit souvent, les voitures nous avertissent souvent température basse, risque de gel au sol, soyez prudents. C'est intelligent d'utiliser cette information-là, finalement. Effectivement. Et ça fait partie de certaines informations qu'on utilise, mais il y en a plein d'autres. Entre autres, bon, l'angle du volant, la capacité de résistance du volant. Bref, il y a toutes sortes de capteurs qui servent à prévenir si jamais il y a un dérapage prévu. Et c'est là que, bon, on va transférer la puissance au bonhomme. Alors, c'est un système qui est assez sophistiqué, qui est assez avancé et qui, semble-t-il, fonctionne très bien. Je peux pas dire parce qu'honnêtement, nous, on n'a pas eu l'occasion de le tester. Ah, au moins, il n'y avait pas de neige cette fois-là. Non, effectivement, il faisait même plutôt 26 degrés. Ben, OK, ouais, t'es Ce loin qui de la était quand même neige. intéressant. Ouais. Oui, effectivement. Ça, tu peux Parmi les ramener ça autres. ici, hein. Au lieu de ramener la neige comme de ton test de l'escape la dernière fois, tu peux ramener du beau temps, si tu veux. Ça, c'est correct. Oui, On va mais là, rester. il faisait pas 30 chez vous, Ouais, donc. mais tu sais, quand il faisait beau aussi avant que tu reviennes avec la neige, tu sais. Fait que ramène du beau temps, ça continue. Alors, parmi les autres nouveautés, évidemment, dans le CX-9, c'est le moteur 2,5 litres turbo. Avec un système turbo un peu particulier. C'est un peu difficile à expliquer comme ça quand il n'y a pas de visuel, là, mais pour s'assurer que le turbo se charge plus rapidement, on a mis une espèce de clapet qui vient fermer l'accès en partie. OK. Un peu comme, tu sais, quand tu arroses avec un boyau d'arrosage dehors, là, quand tu mets ton pouce devant, tu sais comment l'eau arrive plus rapidement et avec plus de puissance? Ouais, t'as moins de place pour Ben, laisser passer la même quantité d'eau, fait que ouais, OK, ouais. exact. Ben, c'est un peu ce qu'on fait avec le clapet. Donc, ce que ça fait, c'est que l'air qui rentre dans le turbo rentre avec encore plus de puissance, donc donne plus rapidement l'atteinte de la puissance qu'on veut avoir avec le turbo. Ça permet donc d'améliorer les performances. OK, bon, intéressant. Donc, ouais, c'est un système qui est assez, comme je te dis, là, je l'explique de façon assez élémentaire, on s'entend, mais je pense que c'est assez facile à comprendre. Ensuite de ça, ben, ce qui est aussi intéressant, et honnêtement, moi, c'est une première. On nous a donné des cotes de consommation et qui sont intéressantes, là. Écoute, on a sauvé plus de 2 litres au 100 par rapport à ce qu'on faisait auparavant. On parle de 9,5 litres au 100 de moyenne, ce qui est quand même excellent. Oui, Mais effectivement. on nous a aussi parlé de puissance. On parle de 250 chevaux ou 227 chevaux. OK. Pourquoi deux puissances? Parce que ce sont les deux puissances qui sont calculées en fonction du type de carburant que tu vas mettre dedans. OK, le du super ou du ordinaire, j'imagine. Super ou du ordinaire, effectivement. Alors, Ouais, OK. moi, j'avais jamais vu ça, qu'on nous présentait les deux puissances et qu'on nous dise par la suite, vous savez quoi? On a fait des tests qui mettent du super, ça donne rien. Parce que le couple et la puissance, on s'est organisé pour qu'ils soient disponibles à très bas régime. Ouais. Donc, en étant à bas régime, Ben, la vraie différence du super va se faire sentir au bout, si tu veux, de la La plage courbe. de puissance, Ouais, au bout ok. de la courbe. Et là, il n'y a personne qui va se rendre là. Il n'y a Ben personne qui va faire rouler son CX-9 à 6000 tours. là, non, c'est pas la voiture pour ça. Si tu parlais d'une Miata, je dirais oui, probablement. Un CX-9, les chances sont minces. C'est ça. Alors, comme les gens disaient, ben, les gens vont mettre du super une fois ou deux. Après ça, ils vont se rendre compte que ça change rien. Fait qu'ils vont pouvoir économiser un peu sur le carburant. Bref, c'est un véhicule qui est bien pensé, qui est intéressant. Prix de base, 35 500 $. Quand même pas pire. Ça, c'est tout à fait comparable à ce qui se passe. Tu vois, on nous donnait des échelles de prix, là. Si tu prends le Hyundai Santa Fe XL, qui est un équivalent ou à peu près, part à 32 000 $. Le Honda Pilot part à 35 000 $. Donc, on est pas mal dans le même prix avec un bon équipement et ça va jusqu'à 50 000 $ pour la version signature. Mais là, évidemment, je suis pas convaincu qu'il y aura tant de gens qui vont se lancer là-dessus. Bref, drôle de coïncidence. Moi, ce matin, quand je me suis branché à 5 heures du matin sur Facebook, j'ai une amie qui me demandait conseil parce qu'elle voulait s'acheter une voiture 7 passagers. Et Ça tombe-tu bien? j'ai nommé quelques suggestions puis je lui ai dit, il y aura peut-être le CX-9, mais laisse-moi l'essayer avant. Et honnêtement, au terme de l'essai, je lui ai envoyé une photo avec la photo de l'intérieur en lui disant, il fait désormais partie de mon top 3. Bon, c'est bon. Alors, disons que j'ai été très, très favorablement impressionné par ce véhicule-là, par la qualité, par le luxe qu'il présente et par le silence de roulement et par la qualité de la direction qui est améliorée. Écoute, ça demeure quand même un gros multisegment, là, Ouais. mais la qualité de la direction est vraiment améliorée aussi par rapport à ce que c'était auparavant. Puis juste comme ça, parce que Mazda, on s'entend, c'est vroom vroom. L'agrément de conduite est-tu présent, même si le véhicule est gros? Oui, l'agrément de conduite est présent, mais moins, tu sais, c'est Bon, sûr ouais. que c'est pas Pas un CX-3 ou une Miata, là. plus que ce que c'était avant, OK. plus que ce que le CX-9 était, parce qu'avant c'était comme un gros divan de salon, là. Ouais. Mais maintenant, oui, il est plus imposant, mais c'est tout. Pour le reste, il n'y a pas de. C'est pas un véhicule sportif, là. Ça sera jamais un véhicule sportif. Super. Donc, Marc, on va terminer ce bloc-là là-dessus. On va aller à une pause, puis on va revenir avec nos essais de la semaine. Toi, tu vas nous parler de la Mazda MX-5 2016, équipée du groupe Option Sport. Puis moi, je vais vous parler de la Volt 2016. Alors, nous sommes de retour. Marc, tu as eu la chance d'essayer une des voitures dont à peu près tous les journalistes s'accordent pour dire que c'est une voiture qui est amusante à conduire. Plus, elle est très jolie. La nouvelle Mazda MX-5 2016. Écoute, moi, je te dis, je suis totalement vendu à ce véhicule-là, complètement. Ouais. C'est vraiment, moi, je pourrais dire, c'est assez particulier comment je suis en amour avec ça. C'est un retour aux sources, hein, pour la 2016. Il y avait des gens qui avaient dit que les deux versions qui sont venues après, c'est la quatrième génération, la troisième génération présentement. La quatrième. La quatrième, c'est ça. Les deux versions qui sont venues entre l'original puis la nouvelle, elle avait perdu un peu de ses qualités originales, t'sais. Puis il y a plein de gens qui disent que la nouvelle est comme revenue aux sources. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai, et c'est vrai à tous les points de vue. C'est-à-dire que, évidemment, on ne parlera pas de design. Le design est beaucoup plus dramatique qu'il ne l'était. On en a parlé pour le CX-9, c'est encore plus vrai avec la MX-5, ce qu'on appelle le fameux design Kodo. Ils ont une philosophie de design qui s'appelle Jimba Itai. Bon, mon japonais n'est pas très bon, mais Jimba Itai, ce que ça veut dire en quelques mots, c'est le mariage de la monture et de son cavalier. Et on veut vraiment, quand tu es dans la MX-5, que tu fasses partie de la voiture. Et c'est exactement ça. Donc, ce qu'on a fait pour ramener ça, bien, on a fait une voiture qui est plus petite, qui est à peu près de la même dimension que la première génération produite il y a 27 ans. On a fait une voiture qui est plus légère aussi, donc beaucoup plus maniable. Et on a modifié certains éléments, comme la position de conduite, par exemple. Position de conduite, on l'a rapproché de la ligne centrale, si tu veux. Alors, quand tu es assis dans la voiture, tu n'es pas assis complètement à gauche de l'auto, tu es assis un peu plus au milieu. Pourquoi? Ben évidemment, parce qu'à ce moment-là, tu es plus en contrôle et que tu es moins affecté par le roulis si jamais la voiture en a. Ça, c'est le premier volet. Deuxième volet, c'est qu'on a fait une voiture, on a conservé la méthode de construction de la voiture originale. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a une espèce de tunnel qui va de l'avant vers l'arrière et qui réunit toute la voiture en une, un peu comme si, comment je pourrais dire, comme si c'était juste un monobloc. Alors, ça fait une voiture qui est extrêmement rigide extrêmement agréable et qui se tient sur la route là, comme si elle était sur des rails. Ouais, c'est déjà vrai des versions précédentes, là, mais j'imagine qu'ils ont encore amélioré les choses. Ah, c'est définitivement une nette amélioration. Et on a évidemment utilisé toute la technologie SkyActiv. On a tendance à penser que SkyActiv, c'est conçu pour être une méthode d'économie de carburant. Mais c'est beaucoup plus que ça. SkyActiv, c'est en fait toute une technologie de construction du véhicule qui permet de le rendre plus efficace à tous les points de vue. Oui, on a modifié la consommation, évidemment, mais on a aussi allégé des pièces. On a modifié le design des suspensions pour les rendre plus efficaces et plus légères. Bref, tout ça mis ensemble fait qu'on se retrouve avec un petit bolide, littéralement super agréable. Dans la série des bons coups aussi, on a changé le toit. Avant ça, c'était un peu compliqué. Il était lourd, il était bas. Maintenant, on a abaissé la position de conduite, on a plus d'espace pour la tête et on est capable de déplacer le toit d'une seule main. Et même quand on roule à basse vitesse, on est capable de le faire. OK, moi, ouais, ce qui est quand même intéressant parce que c'est si t'es obligé d'arrêter sur le bord du chemin pour enlever ton toit et tout ça et le remettre, un peu comme GM avait fait avec la Sky et la Solstice, que le monde se battait avec les toits, c'est pas tellement agréable. C'est pas agréable et ça devient, tu perds le fun d'avoir une voiture cabriolet, là, t'sais. Alors que là, tu l'as tout à fait. Écoute, elle n'est pas parfaite, là. On va se dire les vraies affaires. Comment je pourrais dire? Il y a des portions d'ergonomie qui ne sont pas exactement exemplaires. Alors, je te donne un exemple. Il y a un seul petit coffre à gants. Il est placé entre les sièges à l'arrière. Un peu comme l'ancienne. Ils ont gardé un peu ça de l'ancienne. Oui, mais au moins ils ont enlevé l'espèce de trappe à gaz. Là. Quand tu ouvrais la trappe pour aller mettre de l'essence, c'était là. Mais là, c'est plus là. Tu n'as plus besoin de le faire. Sauf que il est beaucoup plus profond qu'il ne l'était. Alors, pour te réussir à aller dans ce coffret-là, littéralement, il faut t'arrêter, que tu tournes, que tu te mettes à genoux sur le siège pour être capable d'aller jusqu'au fond. C'est peut-être pas l'idée du siècle. Même chose au niveau des portes-gobelets. On a des portes-gobelets qui sont comme logés en arrière. Et là, tu peux en insérer un dans l'espèce de colonne centrale du côté du passager. Mais honnêtement, c'est encore une fois pas génial. Et tu as toujours l'impression que tout ce que tu as dans ton porte-gobelet va se renverser sur ta console. Bref, c'est pas génial. Comme je l'ai dit, c'est probablement le pire défaut de la MX-5. Et si tout le monde se met à conduire des MX5, Tim Hortons va faire faillite. Plus personne Ouais, qui va arrêter chercher des cafés. c'est à peu près ça. Sauf que dans la série des bons coups, c'est tellement le fun à conduire. C'est une voiture qui, même à 50 km/h, a une direction précise, des suspensions qui sont un peu rigides, il faut le dire, mais qui sont quand même agréables. Et ça fait une voiture qui est remplie de sensations. Vraiment, même à 50 km/h, tu as l'impression d'en rouler 120. Tu te donnes le goût de prendre des trajectoires de course, même quand tu roules en ville. C'est un véhicule qui procure vraiment énormément de plaisir. Évidemment, il n'y a rien de mieux que de rouler cheveux au vent quand il fait beau, comme il est fait depuis quelques jours. Alors, un dans l'autre, ça fait vraiment un véhicule qui, à mon sens, est très agréable. En fait, on dit souvent que la MX-5, c'est un véhicule féminin. Ben, je peux te confirmer qu'aujourd'hui, j'assume très, très, très clairement mon côté féminin, là. Ben, j'imagine, c'est une voiture qui va t'aider à assumer ce côté féminin-là. Moi, je sais pour avoir eu la version 2015 l'année passée, puis j'ai des petites routes de campagne dans le coin ici, moyennement sinueuses dans certains coins, là. Puis même à la limite de vitesse permise, 50, 70 km/h dans ces chemins-là, c'est extrêmement agréable, là. C'est extrêmement agréable et il n'y a pas de. Tu te sens pas obligé d'essayer de la pousser au maximum. Tu as juste à aller pas trop vite et t'apprécies tout ce qui se passe. Honnêtement, c'est vraiment, vraiment une belle et une voiture super le fun à conduire. C'est quoi la gamme de prix maintenant de cette voiture-là? Écoute, ça n'a pas beaucoup varié par rapport à ce que c'était l'année passée, là. On parle d'à peu près 500 $ de différence avec ce que c'était dans l'année précédente, donc 30, 30 quelques mille. Sauf que la version que j'avais, moi, avait l'option sport, le groupe sport, qui est en fait strictement un groupe esthétique. Okay? Alors, par exemple, tu as des roues BBS qui sont superbes, qui sont noires, brillantes, qui sont vraiment magnifiques. Tu as des étriers de frein Brembo rouges éclatants que l'on voit très bien à travers des roues. Tu as des sièges Recaro, qui sont eux aussi très confortables et qui vraiment ont une belle finition. Tu sais, tu as différents modes de finition comme ça. C'est super beau, c'est magnifique. Mon problème, c'est que c'est 4 400 $. Ouais. Je suis pas sûr que ça vaut nécessairement la peine. Mais pour le reste, je te le dis, je suis éperdument en amour. Ouais, aussitôt que tu as Toi. dit le mot, aussitôt que tu as dit le mot siège Recaro, j'ai senti le prix de la facture monter. Effectivement. Toi, tu es allé dans l'économie cette semaine, mon frère. Ouais, j'ai essayé une voiture que tu as déjà essayé, fait que je m'étendrai pas nécessairement trop longtemps sur tu sais, le design et tout ça. Je dois avouer, quand j'ai vu les premières photos de la Volt 2016, j'ai été un peu, pas que j'ai été un peu déçu, mais je trouvais que Chevrolet avait décidé de la ramener un peu trop dans le moule de la voiture régulière. Tu sais, la Volt de génération précédente, quand on en voyait une, on savait que c'était une Volt. Un peu plus carré, ça avait l'air de quelque chose de différent. La nouvelle, on a ramené ça un petit peu plus dans le lot du design de Chevrolet, comme la Cruze, ça ressemble beaucoup à une Cruze. De devant, on va peut-être la méprendre pour une Cruze. D'arrière, c'est plus évident que c'est une Volt parce que bon, elle a un arrière un peu différent. Mais c'est ça. Mais pour l'avoir eu pendant une semaine, j'avouerais que j'ai commencé pas mal à tomber en amour avec le design de la voiture puis son look extérieur. C'est une voiture qui est vraiment, vraiment jolie, en plus d'être encore une coche au-dessus du modèle sortant. Moi, j'ai une borne 240 volts chez nous, fait que ça va bien. Je peux la charger tout le temps, elle est toujours pleine quand je décide de m'en aller. J'ai vu des commentaires un peu de certains journalistes qui l'avaient essayé, qui disaient qu'il était un peu déçu de l'autonomie annoncée par la Volt, des fois le matin. Je ne sais pas si ils la chargeaient pas au complet, ou ils ont de la misère à la charger. C'est pas nécessairement tout le monde qui a une borne 240 volts chez eux non plus, là. Au début de la semaine, je vous dirais que j'avais une autonomie estimée de 72-75 km, ce qui est en dessous de ce que Chevrolet annonce, parce que Chevrolet annonce 80 km normalement dans des conditions normales. Puis plus ma semaine avançait, plus j'ai réussi à avoir une meilleure estimation, c'est-à-dire une plus grande autonomie estimée, parce que je l'ai conduit comme je conduis ma Leaf, je l'ai conduit comme je conduis une voiture électrique, même que je suis parti de chez nous un matin avec bon, un matin ça me marquait 75 km d'autonomie. Je suis parti de chez nous, j'ai roulé 56 km parce que c'est ce que ça me prend pour me rendre au travail. Puis arrivé au travail avec le trafic et la circulation que j'ai eu ce matin-là, il me restait encore 45 km d'autonomie. Donc si on fait le calcul, j'avais un estimé total de 101 km possible dans les conditions routières où je l'ai roulé ce matin-là. On s'entend-tu que c'est quand même bien pour une voiture qui n'est pas supposée être une pleinement électrique, là. C'est assez surprenant parce que je t'avoue que moi, dans mon essai, j'ai jamais été capable de faire autant, non. Ouais, mais tu sais, moi, je conduis une Leaf, donc je sais comment gérer ma voiture, ma puissance pour être capable de faire mes allers-retours et tout ça. Donc, j'ai géré la Volt comme ça. Ce que j'aime beaucoup de la Volt, qui est différent de la Leaf que je conduis tous les jours, la Leaf, on sent que la voiture est lourde. Tu l'as conduit, mais Marc, tu le sais, la Leaf, on sent que c'est une voiture qui est pesante. C'est normal, il y a beaucoup de batteries, des choses comme ça. C'est pas une sensation qu'on ressent dans la Volt. La Volt se conduit comme une voiture normale. J'ai pas eu à faire super attention pour avoir mon kilométrage en électrique. Puis toi aussi, tu avais dit la même chose, Marc. C'est une voiture qui se comporte hyper bien. Elle est hyper confortable. J'ai vraiment, vraiment aimé cette voiture-là. La recharge, je rechargeais sur le 110 volts au travail, puis je m'en revenais. J'étais capable d'avoir ma charge complète pour la fin de la journée parce que j'en avais pas tant que ça de partie quand je faisais mon aller au travail. La seule chose, si vous vous achetez une Volt, soyez certain que si vous la chargez sur le 110 volts, vous pouvez changer l'ampérage que la Volt va prendre pour se recharger. Par défaut, c'est 8 ampères. On peut le mettre à 12 ampères. À 12 ampères, vous allez charger beaucoup plus rapidement. Les chances qu'elle soit pleine à la fin de votre journée de travail, bon, ça dépend toujours si vous n'avez pas passé votre autonomie complète, là. Peut-être que si vous êtes à zéro ou vous avez roulé sur l'essence pour vous rendre, ça se peut qu'elle soit pas pleine. Mais dans mon cas où il restait 30-40 km, elle était pleine à mon départ. Si je chargeais à 12 ampères, elle était pas pleine à 8 ampères. Donc, regardez ça. Mais côté voiture, c'est une merveilleuse voiture. GM a fait un super bon travail pour l'améliorer. Technologie, je suis pas encore vendu au système Myling de Chevrolet. Il est supposé avoir Android Auto là-dedans. J'ai jamais réussi à le faire fonctionner. Puis pourtant, sur une Hyundai Elantra, j'ai branché mon téléphone. Puis 2 minutes, ça fonctionnait. Avec la Chevrolet, j'ai jamais été capable de le faire fonctionner. Mais pour le reste, c'est bourré de technologies. Siège avant, arrière chauffant, volant chauffant. C'est vraiment une superbe voiture. Prix de base, 40 340 $. Pour la Volt de base, la Volt première, 44 440 $. Et puis là, vous enleviez 8 000 $ de rabais du gouvernement si ça vous intéresse. C'est vraiment une bonne voiture. Si la Volt vous intéressait, puis c'était l'autonomie un peu trop basse qui vous retenait, retenez-vous pas pour cette Volt-là. Moi, j'ai vraiment, vraiment adoré la voiture. Bon, mon Dieu, au moins, t'es plus convaincu que moi je l'ai été, disons. Ben, la Volt, c'est un peu la voiture qui m'a vendu à la voiture électrique. Tu sais, ça a été mes premiers pas, ça a été la Volt, puis après ça, j'ai commencé à l'essayer les autres. Moi, j'ai vraiment aimé la conduite de la voiture, j'ai aimé le confort. C'est pas une voiture parfaite, là. Ça serait le fun si les ceintures pourraient être ajustables pour les passagers, parce que ma femme est un peu petite, puis la ceinture du passager avant, il arrivait toujours à hauteur de la gorge. Puis le siège est ajustable, mais pas nécessairement la ceinture. C'est pas vraiment pratique. Mais pour le reste, on a vraiment, vraiment adoré la voiture. J'ai fait trop de kilométrage à un moment donné, je suis parti sur l'essence, puis faire ma semaine au complet, j'ai fait à peu près peut-être 400-500 km, ça m'a coûté comme 4 $ de gaz. Parce que je suis allé trop loin, tu sais. Fait que c'est Ouais, mais vraiment, c'est c'est ça. Mais ridicule. toi, tu as tout l'équipement. Enfin, bref. Exactement. Mais bon, Écoute, très bonne voiture. toi, tu es convaincu des voitures électriques, mais après la pause, mon cher, on va recevoir quelqu'un qui, je pense, encore plus convaincu que toi, tu l'es. C'est notre ami Martin de l'Association des véhicules électriques du Québec. Alors, nous sommes de retour et maintenant, c'est l'heure de la chronique voiture électrique avec Martin Archambault de l'Avec. Salut, Martin. Salut, Luc, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va numéro un. Encore beaucoup de nouvelles dans le domaine de la voiture électrique cette semaine. C'est un monde qui est en constant développement. Là, il y a toujours quelque chose qui nous est annoncé. Tu veux nous donner plus d'informations sur la Tesla 3? Oui, ben en fait, je te dirais Tesla en général, mais on ne peut pas parler de Tesla sans parler de la Tesla 3 actuellement. Ouais. On sait que c'est le gros, c'était le gros buzz dans les derniers mois avec le lancement là, des précommandes pour la Tesla 3, avec des précommandes de fous et puis des besoins en fait en production qui vont être accrus pour Tesla. Ouais. Les Ils nouvelles. ont-tu atteint le 500 000 précommandes? Je sais qu'ils étaient proches, là. Ils étaient Ouais, plus de 400, là. c'est sûr, les dernières nouvelles sont juste en dessous, là, Ouais. mais ça approche grandement. J'imagine que quand le demi-million de commandes va arriver, il va avoir une annonce. On va le savoir. Ben oui, Ouais. Ouais. j'imagine. Mais quand même, le 500 000 est un chiffre intéressant parce que c'est celui avec, que je voulais te parler, qui est l'objectif. On se souvient que Tesla avait un objectif d'augmenter sa capacité de production pour être capable de concevoir 500 000 véhicules par an d'ici 2020. Donc, quand je dis faire 500 000 véhicules, c'est tout modèle confondu que Tesla produit, là, la X, la S, la 3 qui va commencer bientôt. Ils viennent de devancer cet objectif-là à 2018, c'est-à-dire qu'ils ont annoncé par communiqué que probablement d'ici mi-2018, ils vont déjà avoir atteint une production de 500 000 véhicules par année. Donc, Ça commence à être de la voiture. ouais, là on se rappelle qu'au début ils faisaient rire d'eux autres parce qu'ils produisaient pas beaucoup de voitures, puis les grands manufacturiers les prenaient pas au sérieux en disant fabriquer des voitures expérimentales, entre guillemets, c'est une affaire, mais de la production de masse, c'en est une autre. Ouais. On commence à approcher, hein, la production de masse, là, 1,5 million de voitures par année, ça commence à en faire une par une autre. Ouais. Évidemment, tout ça, ça a des répercussions positives. Hein. Tesla fait beaucoup parler d'elle. L'action dans le premier trimestre de 2016 a augmenté de 7%. Donc, ceux qui avaient des actions, c'est bon pour leur portefeuille. Puis, ce qui est le fun, c'est que l'annonce de la 3 a créé de l'engouement alentour de la marque. Ça a donc créé des augmentations de vente du modèle S de l'ordre de 45%. C'est quand même dans le premier tiers de l'année, là. Donc, par rapport à la courbe normale, là, on est 45% plus haut. Mais j'ai de la misère avec ça. Pas que j'ai de la misère avec le fait que les modèles S se vendent, c'est un char à 100 000 piastres. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Tu vas pas dire, ah, ok, un matin, je vais m'acheter un char électrique. Fait que, ouais, la Leaf est correct. Ouais, la Soul aussi est pas si pire. Puis, ouais, la Focus, peut-être ça aurait de l'allure, mais non, on va y aller pour une Tesla S. C'est comme, Non, c'est ça. c'est Elle fait pas ridicule, là. partie. Moi, personnellement, je la considère pas parce qu'elle est hors de mon budget, mais tu sais, dans le fond, la même comparaison, on peut la faire. Des fois, je me promène dans certains quartiers, moi, puis je regarde la quantité de maisons qui valent pas loin d'un million, puis je me dis, coudonc, ils font quoi dans la vie, ce monde-là? Ouais, c'est Ben, c'est sûr. probablement le même monde qui s'achète des Tesla. Qu'est-ce que tu veux? On n'a pas tout. Il y a plus de monde qui ont de l'argent qu'on le pense, faut croire. Ouais, j'imagine. Mais ça dépend aussi du travail que tu fais. Je Exact. connais quelqu'un qui en a une, il est toujours sur la route. Mais sa compagnie paye son kilométrage. Il paye pas l'essence avec l'argent qu'il gagne, mais il paye sa voiture. Fait Exact. que, Ben, ça c'est devient à ce moment-là, ça devient rentable. Je fais pas ça. assez de route, je fais pas assez de route, faut croire. Non, c'est ça, moi non plus. Quand même, c'est un beau succès, faut le saluer. Dans cette même foulée-là, ben, tu augmentes le nombre de véhicules, faut augmenter l'infrastructure de recharge. Tesla avait dit qu'elle s'adapterait en fonction du nombre de véhicules produits et livrés pour que le nombre de superchargers par véhicule, par région, puisse suivre la cadence, autrement dit, là. Donc, on a eu l'annonce aussi dans les derniers jours que le nombre de superchargers va augmenter aussi au Canada puis aux États-Unis. Au Canada, on sait qu'on en a déjà un à Montréal et puis on en a un autre à Drummondville. Il y a des annonces qui ont déjà été faites, mais qui ont été confirmées. Ben, dans certains cas, les travaux sont déjà commencés, comme Magog. Il y a Rivière-du-Loup qui s'en vient. Il va y en avoir un autre à Montréal. Côte-Vertu. À Place Vertu, en fait, 12 ports, là. 12 bornes, ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça, à Place Vertu, c'est intéressant. Ça va monter à 18 Superchargers avec les autres qui sont installés. Il y a celui de Grimsby qui vient d'être terminé là en Ontario aussi, qui ouvre le corridor vers New York, là, du côté canadien, si tu t'en vas vers l'ouest par l'Ontario, là. Donc, c'est assez intéressant. Il va y en avoir 18 en service au Canada. Donc, ça augmente, là, la parole et les gestes sont cohérents les uns avec les autres, là. Donc, c'est bon signe. Ça bouge beaucoup pour Tesla. Bon, Tesla doit croire à ses produits, puis doit aussi anticiper les ventes de modèle 3 au Canada, puis en région de Montréal. J'imagine qu'ils doivent se fier sur le nombre de précommandes pour décider où ils vont mettre des superchargers, Ben, puis... c'était ça la stratégie, c'était de voir de Ouais. où les commandes passaient, puis essayer de voir sur une carte là, où sont les points chauds, puis dire bon ben là, faut augmenter le nombre de superchargers dans ces coins-là. Puis on le sait que historiquement, puis statistiquement, on va en parler dans quelques minutes, ben le Québec, c'en est un point chaud là, en général, la région de Ouais. Montréal, bien entendu, mais le Québec plus particulièrement, puis l'Ontario, une partie de l'Ontario aussi qui est plus portée vers les véhicules électriques, donc c'est certain qu'ils vont en mettre là avant d'en mettre en Saskatchewan, là, t'sais. Ouais. Le Québec, les Québécois n'ont pas peur d'adopter des nouvelles technologies aussi, t'sais. Fait que Tesla, j'en vois de plus en plus, des Tesla Model S, j'en vois de plus en plus à la route. Il n'y a pas une journée qui passe que je vois pas une, deux, trois Tesla Model S à la route, t'sais. Ouais, effectivement, Populaire au Québec, la ouais, vitesse. Ouais. exactement. Belle aussi. Parlant de popularité, l'Association des véhicules électriques du Québec, on produit quelques fois par année des statistiques là, on les présente sous forme graphique là, mais en fait c'est des compilations de données qui sont extraites des données de la SAC, là, donc l'AVEC, on paye pour avoir accès là, à des données de la SAC, c'est un service payant, là, puis c'est pas donné en passant, mais non, c'est assez dispendieux comme service. Par contre, nous, pour nos membres, c'est un service qu'on se doit de prendre, et puis on ramasse les données, on les collige et on les présente sous forme graphique avec on tire des conclusions là ou des grands champs d'informations, si tu veux, qui résument bien l'état de la situation de l'électromobilité au Québec. Et les derniers chiffres d'avril sont sortis. Donc, on confirme là, le nombre de véhicules là. C'est des données d'avril, donc c'est au 30 avril en fait, là, donc c'est pour les 4 premiers mois de l'année, on avait 9 763 véhicules électriques au Québec. Pour donner une idée, là, on estime à peu près 20 000 le nombre de véhicules électriques au Canada. Donc, quand on dit qu'on a la moitié, là, C'est pas mal vrai, c'est c'est pas mal vrai, pas hein? mal dessus, ouais. Ouais, puis c'est une répartition qui est 45 % de véhicules tout électriques versus un 55 % là, de véhicules hybrides rechargeables. Ce sont des véhicules qui sont quand même des véhicules électriques branchables, mais qui ont une énergie d'appoint, là, qui généralement est de l'essence. Ouais, comme les Volt ou Sonata PHEV qu'on appelle branchables. Exact. C-Max Energy. C'est ça. Ouais. Et quand on regarde où sont situés ces véhicules électriques-là, ben sans surprise, la région de Montréal arrive au numéro un, là, de l'endroit où il y a le plus de véhicules. Là, il y a deux façons de représenter, dans le fond, la répartition des véhicules électriques au Québec, c'est-à-dire le nombre de véhicules pour une région donnée, puis une donnée qui est peut-être plus parlante, qui est le nombre de véhicules par capita, là, donc par tranche de 1000 personnes, combien il y a de véhicules électriques. Des fois, ça donne des résultats qui sont différents un peu. Mm-hmm. En fait, ça donne des résultats qui sont différents, parce que Montréal, comme tel, c'est la région où il y a le plus de véhicules quand tu regardes le nombre, juste le nombre de véhicules, mais quand tu regardes par capita, Montréal est probablement à peu près la 10e région du Québec où il y a le plus de véhicules électriques par capita. Puis ça se comprend. À Montréal, la majorité des gens qui ont à se déplacer peuvent prendre le métro, l'autobus. C'est les gens qui sont en banlieue de Montréal que c'est intéressant de prendre un véhicule électrique pour venir travailler à Montréal. C'est mon cas, entre autres. Hein. Oui, le mien aussi. Ouais. Ben, de temps en temps. Donc, c'est ça. Donc, Montréal est la ville où il y a le plus de véhicules électriques, suivi de Québec. Donner une idée, là, Montréal, c'est 1238 véhicules électriques, 944 à Québec, suivi de Laval, 494, Longueuil, 277, Terrebonne, 262. Je nommerai pas tout, mais c'est pour vous donner une idée. Et quand on le regarde par tranche de 1000 habitants, mais c'est la région de Lanaudière qui a le plus, il y a 19,9, là, on peut dire dans 20 véhicules électriques par 10 000 habitants. OK. Donc, c'est quand même intéressant de le constater. Après ça, c'est suivi de la région de Québec et les Laurentides qui montent en troisième position là, avec 15,6 véhicules électriques par 10 000. Donc, ça augmente. Les Laurentides sont en hausse, là, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation du nombre de véhicules électriques dans cette région-là. Donc, c'est des données qui sont quand même intéressantes de constater. Puis, le véhicule les plus populaires demeure la Chevrolet Volt à 42% ouais. en termes de part de marché, suivi de la Leaf à 20% et de la Tesla Model S, dont on parlait tantôt, avec 11%. Fait que c'est quand même 11% des véhicules électriques qui sont des voitures en haut de 100 000. ouais, c'est ça. Mais c'est avec rabais, puis comme je disais, s'il y a des gens qui font beaucoup de routes, ben ça peut devenir un investissement plus qu'une dépense dans ce cas-là. La voiture, des fois, se paye tout seul. Fait que c'est bon des fois à regarder. Ouais, exact. Donc, c'est les gens qui veulent avoir les détails là, plus poussés par rapport à ces statistiques-là, c'est tout disponible sur notre site web. On a également des données là, qui regardent par modèle de véhicule. Là, je vous ai parlé de la Volt, de la Leaf et de la Model S, mais c'est quoi les autres véhicules enregistrés qui sont les plus populaires après ça en termes de nombre? Là, tu sais, c'est de façon surprenante, le quatrième, c'est le Ford C-Max Energy avec près de 500 véhicules enregistrés. On en parle pas souvent, on n'entend pas souvent parler. Il est low profile, hein? Mais c'est un véhicule qu'on rencontre quand même sur les routes pas mal. Puis c'est ça. Donc, toutes les statistiques sont là-bas. C'est bon. Écoute, pour terminer, petite nouvelle rapide. Il y a une nouvelle borne rapide qui était installée dans la région du Saguenay. Donc, c'est un secteur qui était un peu négligé là par rapport à l'infrastructure de recharge. Donc, plusieurs bornes de recharge rapide vont être installées dans les prochaines semaines, prochains mois. Là, la belle saison est arrivée, puis ces installations-là vont commencer à augmenter un peu. Mais au Saguenay, ça a été installé. Donc, c'est une excellente nouvelle. Et puis, je compléterai en disant qu'en fin de semaine, donc ce week-end, dans la région de Québec, donc à Lévis, c'est le Branchez-vous. Ceux qui sont intéressés d'aller essayer des véhicules électriques de toutes sortes, eh bien, le Branchez-vous là aura lieu là, les 28-29 mai à Lévis. Donc, c'est sur le campus de Lévis de l'Université du Québec à Rimouski, là, qui est au 1595 du boulevard Alphonse-Desjardins. Donc, c'est toute la journée là, de 9h30 le matin à 19h le samedi, puis 17h le dimanche. Les véhicules sont disponibles pour des essais. C'est gratuit. Vous pouvez parler à des propriétaires, faire des essais, poser toutes les questions que vous voulez. Puis l'Association des véhicules électriques du Québec, on va avoir un beau petit kiosque là pour répondre à toutes vos questions. C'est organisé, cet événement-là, par l'Institut du véhicule innovant. Voilà. C'est bon. Ouais, c'est une bonne place. Même celui de Montréal, j'ai un de mes collègues qui est venu me voir cette semaine et dit « Ah, je suis allé au Branchez-vous, au circuit Gilles Villeneuve, puis je suis allé essayer une Soul EV. C'est la seule que j'avais pas essayé. Je suis allé l'année passée aussi, je l'avais pas essayé. Je l'ai essayé, puis il dit « Ah, me tente. » Fait que tranquillement, il y a des gens au travail qui se convertissent. Donc, c'est intéressant. Donc, Martin, je te remercie beaucoup. Si les gens veulent plus d'informations, on va sur le site de l'AVEC, aveq.ca. Si les gens veulent te rejoindre, toi, comment font-ils cela? En m'écrivant par courriel à martin@aveq.ca. Parfait. Merci beaucoup pour une autre chronique, M. Archambault. On se reparle. Ça me fait plaisir. On se reparle dans une émission future. Oui, monsieur, profitez de l'air pur. Merci. Bye, Martin. Bye. Alors, nous sommes de retour pour notre dernier bloc, c'est le bloc nouvelle. Marc, quelques petites choses intéressantes cette semaine. Le gouvernement fédéral veut forcer les constructeurs à faire leur rappel. Oui, en fait, ça m'a beaucoup surpris. Parce que, dans ma tête, un rappel, c'est obligatoire. Ouais. Et je croyais que le gouvernement avait des moyens suffisamment convaincants pour forcer les manufacturiers automobiles à faire les rappels. Or, ce n'est absolument pas le cas. Ouais. En fait, même s'il y a un problème majeur de sécurité, à moins que ce soit considéré comme un geste criminel, le gouvernement n'a aucune façon de forcer le manufacturier. Tout ce qu'il peut faire, en fait, à la limite, c'est lui dire « vilain garnement, puis on va donner ton nom en public parce que tu ne l'as pas fait ». C'est tout. Alors là, le gouvernement libéral a présenté la semaine dernière, cette semaine, une loi dont l'objectif est justement de pouvoir se donner le pouvoir de forcer les manufacturiers à réaliser les rappels. Les Américains le font, par exemple. Hein? Les Américains sont beaucoup plus sévères. Oui, mais ils le font par le biais d'organisations indépendantes comme l'IIHS. Oui, c'est ça. C'est pas l'État lui-même qui fait ça. Non, non. Alors que chez nous, là, ce sera l'État. Et c'est pas un projet de loi qui est nouveau. Là. C'est un projet de loi dont on discute depuis quelques années déjà et qui aurait des retombées, ma foi, assez importante. Parce que, quand on regarde les données, puis quand on discute avec les gens des manufacturiers, on estime qu'il y a de 25 à 40 % des véhicules qui sont rappelés, qui sont effectivement corrigés. OK. Donc, s'il y a 100 000 voitures de rappelés, il y en aura au maximum 40 000 qui vont effectivement être corrigés. Pourquoi? Parce que comme le manufacturier n'est pas forcé de faire le rappel, il va peut-être pas faire l'effort nécessaire d'aller rechercher les anciens propriétaires et de s'assurer que les rappels sont respectés. Ouais, surtout si ça coûte cher. Exactement. Alors que là, avec la nouvelle loi, puisqu'ils vont être forcés de le faire, ça va aussi permettre au gouvernement d'établir un suivi sur les véhicules qui doivent être corrigés et voir de quelle façon le manufacturier travaille avec ça. Okay. C'est extrêmement important comme changement parce que, comme je le dis, on pourrait passer, on estime, évidemment, c'est pas moi qui le dis, c'est pas moi le spécialiste, là, mais on estime que de 40%, on pourrait monter jusqu'à 66% de véhicules corrigés. Ouais. T'sais, c'est pas grave quand c'est un problème de lumière qui s'allume mal, là, ouais, c'est ça. Mais c'est un peu plus grave quand c'est la direction ou le comme on l'a vu avec GM, l'ignition qui fonctionne mal, ou les fameux coussins gonflables à la Takata. Ouais. Si tu fais pas réparer ta voiture, là, c'est extrêmement dangereux. Donc, il y aura vraiment une loi beaucoup plus sévère, et je trouve ça très intéressant comme stratégie. Oui, j'espère qu'on va en entendre parler, que ça sera mis de l'avant. Oui, en tout cas, c'est à l'étude actuellement. OK. Autre chose, après Volkswagen qui triche sur les émissions, on a Mitsubishi qui donne pas les bonnes cotes de consommation, Fiat s'est fait prendre à son tour sur les émissions polluantes, il donnait pas les bons chiffres. Non, et c'est la technique Volkswagen élaborée dans un autre ordre d'idées. C'est-à-dire que la façon dont Fiat a procédé, c'est qu'ils auraient, je dis bien aurait, parce que tout ça est conditionnel. Ça s'est produit en Allemagne. Tu auras compris que j'ai pas les données en main. C'est qu'on se fie à ce qui est sorti dans les journaux. Mm-hmm. On dit donc que Fiat aurait été pris à mettre des logiciels truqués à l'intérieur de ses véhicules. Okay. Un peu comme Volkswagen l'a fait. Moi, ouais, ça ressemble pas mal. Oui, sauf que la façon de procéder, elle était, écoute, incroyable. Un test d'émissions polluantes, ça dure 20 minutes. Ouais. Fiat avait trouvé le moyen de mettre de faire partir le logiciel après 22 minutes. OK. Donc, ce qui se passe, c'est que après 22 minutes, ton véhicule devenait à ce moment-là beaucoup plus polluant. On parle de 10 à 12 fois plus polluant que les normes permises. OK. Et tout ça à l'aide d'un simplement un petit chronomètre et d'un petit logiciel qui modifiait tout ça. Donc, pour le moment, évidemment, ils se sont fait attraper, c'est-à-dire qu'on a trouvé des défaillances. Le tout est sous enquête. Évidemment, Fiat n'a pas été condamné encore. On cherche encore à savoir combien de véhicules pourraient être touchés, quel modèle de Fiat pourrait être touché. Est-ce que ça s'étend aussi à d'autres véhicules de la famille Fiat Chrysler Automotive. On ne le sait pas. Pour le moment, on en est encore un peu au chapitre des spéculations, mais ce que l'on sait, c'est qu'effectivement, il y a des véhicules Fiat qui étaient dotés d'un logiciel truqué exactement à la mode Volkswagen. Ça peut faire mal à Fiat parce que Volkswagen, on s'entend, ça a les reins solides là, parce que on s'entend que c'est beaucoup de grosses marques, là, c'est Audi, Porsche et tout ça. Mais Fiat, je comprends que c'est quand même gros, mais ils ont-tu les reins aussi solides que Volkswagen? Si les pénalités puis les montants viennent qu'à monter aussi haut que ça va coûter à Volkswagen, sont-ils capables d'absorber ça? Ça peut Ça, être assez. c'est la première question et la réponse à ça, c'est non, parce Hey. que c'est une compagnie qui est déjà, disons, aux limites de ses capacités financières. Ouais. Mais ce qui est le pire, c'est pas ça, c'est que ce type de comportement-là, ce que ça fait, c'est que ça vient jeter le doute sur toutes les autres, Ouais. toutes les autres familles de véhicules. Alors, ce qui se passe, c'est qu'évidemment, tout le monde qui a un moteur diesel maintenant est soupçonné, est sous enquête. On va limiter les ventes. On va limiter le développement des moteurs diesel. Écoute, je te dis pas que le moteur diesel, c'est la solution idéale pour contrer tous les problèmes de pollution, mais en tout cas, quand c'est bien jugé, c'est beaucoup plus économique que peut l'être un véhicule à essence. Alors, c'est un peu dommage parce que ça affecte tout le monde. Et là, ben, on va faire aussi une chasse, je dirais une chasse aux sorcières, littéralement, pour voir tous les véhicules. Et en Allemagne, c'est commencé. En Europe, ça va être semblable. Et après ce qui s'est passé au Japon, ça devrait faire le tour au Japon et États-Unis aussi. Donc, pour le moment, à mon avis, ce n'est que le début des enquêtes autour des manufacturiers. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y en ait d'autres au cours des prochaines semaines qui subissent le même sort. Donc, Fiat, c'est seulement les diesels, eux autres aussi? Seulement les diesels autour aussi. Et OK. c'est la même, exactement le même type de fonctionnement que Volkswagen. Ça ne devrait pas affecter de véhicules en Amérique du Nord. Est-ce que je sache, Fiat ne vend pas de diesel en Amérique du Nord? Pas dans ses voitures, en tout cas. Non, Fait que effectivement, c'est ça ne vraiment en devrait pas. Europe. OK. OK. Y a rien chez nous là-dessus, mais n'empêche que ça limite considérablement le développement. Et comme tu l'as dit, comme c'est en Europe, puis que l'Europe, ben, c'est la vache à lait de Fiat, ça risque d'être dur sur les reins de la compagnie. Ouais. OK, ouais, on va voir ce que ça va donner. J'espère que, en tout cas, que ça sera pas trop dur. On aime quand même Fiat et Chrysler, donc faudrait pas que ça disparaisse. On va voir ce que ça va donner. Autre chose, les manufacturiers, certains manufacturiers s'impliquent avec des services de transport, genre Toyota a signé une entente avec Uber et Volkswagen avec Gett. Gett, c'est un service que moi je connais pas. Où tu penses qu'ils s'en vont avec ça? C'est pas un service qui est offert chez nous, de toute façon, OK. Gett, OK. là. Écoute, honnêtement, c'est un peu troublant de voir ce genre d'entente-là au moment où, partout dans le monde, on se questionne sur je dirais, la rigueur et l'existence même de ces services-là d'auto. J'ose pas dire de taxi parce que c'est pas comme ça qu'ils disent, mais c'est Ouais. bref, c'est ça quand même. Ouais. Au moment où il y a des jugements, au moment où il y a des gouvernements qui prennent position contre ces choses-là, que des compagnies comme Toyota et Volkswagen s'y associent, à mon sens, c'est probablement la meilleure nouvelle en même temps. Troublant parce qu'évidemment, on est dans une période un peu tumultueuse pour ce genre de service-là. Bonne nouvelle parce que c'est probablement la meilleure façon pour ces compagnies-là de se faire valoir auprès des institutions et des gouvernements et d'être capable d'acquérir leur lettre de noblesse en ayant un partenaire efficace qui, lui, n'acceptera pas de marcher entre deux eaux, là. Ouais. T'sais, Toyota, je vois pas Toyota arriver au Canada et commencer à dire, ben non, on payera pas les taxes, puis on payera pas ci, puis ça peut pas fonctionner. C'est une compagnie qui a trop à perdre si jamais on joue un peu les rebelles et les cowboys à la façon Uber, en tout cas, ce qu'on a vu d'Uber. Alors moi, je pense que ça va forcer ces services-là à s'organiser différemment, à être plus structurés, à être plus efficaces et à mieux gérer l'ensemble de leurs services. Alors, à mon sens, c'est une bonne nouvelle. Mais qu'est-ce qu'on va en faire? On verra. Parce qu'actuellement, on sait qu'il y a déjà des manufacturiers qui sont impliqués dans les autopartages. Pense à Car2Go avec Smart, par exemple. Mais BMW a lancé ce type de service-là aussi aux États-Unis. Donc, on s'en va vraiment dans le transport individuel collectif, pourrait-on dire. Ouais, c'est Donc, ça. c'est que les compagnies voient là une façon de maximiser leur vente de véhicules tout en s'assurant qu'ils ne sont pas uniquement réservés à un usage personnel. Alors, à mon sens, ça va faire du bien, mais ça va obliger, j'en suis persuadé, toutes les compagnies à revoir leur façon de faire. Et ça, à mon sens, c'est la meilleure nouvelle de l'année là-dessus. Ouais, ça pourrait peut-être aider à donner une légitimité à ces compagnies-là, genre Uber, là, qui se fait un peu cracher dessus de tous les côtés, avec, je dirais, parfois raison aussi. Là. Ils jouent pas, ils sont pas en train de jouer la partie comme ça devrait être joué, mais on verra, genre de voir ce que ça va donner, ou si ça va. Est-ce que ça va vraiment donner quelque chose, ou au bout de la ligne, ça va juste comme ça finir par disparaître et on n'entendra plus parler. On verra. C'est une bien bonne question, mon cher. Et honnêtement, ma boule de cristal ne me donne pas la réponse à ça pour le moment. Donc, et maintenant, dernier sujet, ça aurait l'air qu'il y a beaucoup de voitures sportives qui ne passent pas les tests de sécurité. Ah non, ça, c'est assez troublant, je te dirais. En fait, c'est. Comment je pourrais dire? C'est même incroyablement troublant. Parce que les voitures sportives dont il est question, c'est pas n'importe quoi. Ce sont les fameux muscle cars américains. Je sais que toi, tu es un fan. Oui, j'aime beaucoup la Mustang. De la Mustang, et autres. Entre ouais. autres. Oui. Eh bien, tu es chanceux parce que c'est une de celles qui a le mieux réussi. OK? Ouais. Parce que, bon, évidemment, la Mustang, tout comme la Camaro, ce sont deux véhicules qui viennent d'être complètement refaits. Donc, ils bénéficient de l'ensemble des nouveautés technologiques qui leur permettent de mieux résister aux tests de collision. Parce qu'il faut le préciser, ce sont dans les cadres de tests de collision de l'Insurance Institute for Highway Safety. IHS. Mon Dieu, que j'aille ça dire ça. Ben ouais, mais faut le dire au moins une fois. Ouais. Et ce qui se passe, c'est qu'ils font différents tests de collision. Collision frontale, collision latérale, collision arrière, mais aussi des collisions partielles frontales. Ça, c'est la nouveauté depuis une couple d'années. Et les résultats sont pas édifiants. Le pire, en fait, c'est la Chevrolet, pas la Chevrolet, la Dodge Challenger. C'est elle qui a eu le plus de difficultés à réussir ses tests. Je te dirais que c'est celle qui n'a pas été capable de passer dans la plupart des cas. Mais, tu sais, il n'y a pas eu d'échec, là, à proprement parler. Okay. Tu sais, il faut savoir que eux autres, l'IHS, ils classent ça selon quatre notes. Alors, tu as pauvre, marginal, acceptable ou bien. OK. OK. Dans le cas de la Challenger, elle a eu un marginal, c'était au niveau des collisions partielles. Elle a eu deux acceptables au niveau de la rigidité du toit en cas de renversement et de comment les sièges résistent. Et elle a eu deux bons pour les collisions latérales et frontales. Donc, c'est pas si vilain. Dans le cas de la Mustang et de la Camaro, elles ont obtenu les mêmes résultats, c'est-à-dire 4 biens et 1 acceptable chacun. Dans le cas de la Camaro, c'est la rigidité du toit qui est moins bonne. Dans le cas de la Mustang, c'est la collision frontale partielle qui est moins bonne. Ce que ça veut dire, par contre, c'est qu'en général, les voitures américaines n'ont pas été capables d'atteindre la plus haute note, qui est le fameux top safety pick. Là. Mm-hmm. Donc, elles n'ont pas été capables. Or, la BMW M2, par exemple, ou d'autres voitures allemandes, elles ont atteint ces standards-là. Donc, les seules qui ne l'ont pas atteint, c'est les trois voitures américaines. Okay. Alors, et pourtant, c'est deux voitures complètement neuves. Alors, évidemment, il y aura probablement des questions à se poser à ce niveau-là. C'est rien de grave, ça n'en fait pas des voitures dangereuses, mais ça fait quand même des voitures où il y aurait place à amélioration. Et d'ailleurs, je vous le suggère fortement, si vous voulez vous acheter une voiture, consultez le site de l'IIHS. Allez voir ce type d'évaluation-là. On tient compte non seulement, bien sûr, de la résistance aux collisions, mais aussi d'un paquet d'autres facteurs, notamment du nombre d'équipements de sécurité à bord des voitures. Donc, ça vous donne une très, très bonne idée à savoir est-ce que votre voiture est bonne ou pas. Et là, vraiment, dans ce cas-ci, consultez-la, ça vaut la peine. C'est bon. Bon, Marc, on va terminer là-dessus. Si les gens veulent te rejoindre, à part prendre l'avion et aller te voir en Colombie-Britannique, comment est-ce qu'ils font ça? Écoute, ils peuvent me suivre sur les sites de Netmedia 360, c'est-à-dire Écolo Auto, Luxury Car Magazine, VUS Mag ou Auto au féminin. Ils peuvent évidemment me suivre sur Facebook, bien entendu. Et ils peuvent venir nous voir sur la page Facebook Ça roule radio. Mm-hmm. Je m'excuse, Luc, je viens de te voler ton punch. Non, pas de problème. Mais je me rappelle jamais de la célèbre adresse courriel où ils peuvent nous rejoindre. Par contre, ils peuvent me rejoindre aussi sur Twitter à Marc Soulignier Bouchard. Oui, l'adresse courriel dont Marc parle souvent mais ne dit jamais, c'est info@saroulradio.com. Pour moi, vous pouvez me rejoindre aussi sur Twitter, @Calazormo. Comme Marc a dit, il y a le compte Facebook, la page Facebook de Saroul Radio, qui cherchez juste Saroul Radio. On a le site internet, saroulradio.com, où vous pouvez trouver les émissions et ces choses-là. Et puis, vous pouvez me lire aussi sur le blog automobile de Kijiji au frkijijiblog.ca dans la section véhicules. On joue sur Radio H2O, on joue aussi sur Radio Highway, on est disponible sur iTunes, puis on est disponible sur Google Play. Fait que quasiment partout, à part où ce qu'on n'est pas. Donc, Marc, je te remercie beaucoup d'avoir passé cette autre belle émission avec moi, puis on se reparle la semaine prochaine. Avec puis, plaisir. Bonne semaine, mon cher. Bonne semaine à toi aussi, et bonne semaine à tous nos auditeurs, puis on se dit à la prochaine.